Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente Dorian, vous êtes sur l'émission iFunk 94.2 sur Radio Fadjet et je suis super content de vous avoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi après-midi, fin d'après-midi, et évidemment dans notre émission iFunk, nous allons découvrir, redécouvrir des sons funk, des sons disco, et puis des fois je mettrai un peu de son soul, hein, comme ceux qui ont pu écouter justement vendredi. Où j'ai mis un peu de son funk, hein, sur la quotidienne. Alors du coup, comme d'hab, hein, je vais vous mettre plein de sons. J'espère que vous allez danser, j'espère que vous allez profiter. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, on va cette fois-ci, c'est vrai. D'habitude, j'ai tendance à vous mettre des sons un peu old school, yeah. Et j'ai envie de commencer avec un peu de neuf, hein. Un groupe que j'aime beaucoup puisqu'ils reprennent souvent des sons funk. Hein, et il s'agit de Daft Punk. Alors, soit ils reprennent les chansons, hein, soit ils vont utiliser les samples. Comme je vous disais souvent, j'ai vraiment envie de faire une émission spéciale sample. C'est super intéressant, on verra ça. Ou sample. C'est bizarre, sample. En tous les cas, on commence tout de suite les hostilités avec Daft Punk, Give Lack Back to Music. Et on en discute après, comme d'habitude. Et c'est sur Radio Fagette. Et donc, il s'agissait de Daft Punk, Give Life Back to Music. Et donc, on va en discuter tout de suite. Alors, il faut savoir que dans ce son, Daft Punk, hein, évidemment, grand groupe électro français, ce son a été fait en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Alors, attention, il y a du lourd là-dedans, hein, puisque ce son que vous avez entendu, vous avez un bassiste, un guitariste particulier, puisqu'il s'agit en fait du guitariste, ni plus ni moins du groupe Chic, hein. Donc, évidemment, il s'agit du grand Neil Rogers, donc de le Freak C'est Chic, qu'on écoutera par la suite, évidemment. Et puis aussi, vous avez le bassiste, Le bassiste, c'est... Quoi, je veux toujours vous parler de bassiste, pas du tout. C'est le batteur. Presque batteur, bassiste, pareil. En tous les cas, le batteur, c'est John Deere Robinson. Et on le connaît un peu moins, c'est vrai. Pourtant, il a, eh bien, joué dans un certain son d'un certain Michael Jackson. Donc oui, Daft Punk s'est offert des grandes pointures de la musique. Alors j'espère que vous allez toujours bien, hein. J'espère que ça funk, j'espère que ça disco, j'espère que... Bah justement, hein, pour vérifier que tout va bien, il s'agit d'une musique, pour être plus exact, un son disco, hein, qui, si on écoute le rythme de la musique, vous permet de faire des massages cardiaques sur le bon rythme. Et oui, il s'agit des Bee Gees, Staying Alive, donc rester en vie. Vous comprenez le jeu de mots, hein, Staying Alive, tout ça. Et donc c'est sur Radio Fat Jet. I funk toujours. Et puis j'espère que vous avez le smile. C'est parti pour du max de funk. You're a brother. Ok, BG Staying Alive. Donc un son évidemment tiré de du film. Évidemment la fièvre du samedi soir avec John Travolta, n'est-ce pas? Un peu trop en cuir selon moi, mais bref. Et en 1977, alors petite... j'ai plein de trucs à dire sur ce son-là qui sont intéressants. Bon, hormis du fait que du coup, si vous voulez faire un massage cardiaque, c'est mieux d'avoir un MP3 de Staying Alive avec vous, hein, puisque c'est exactement le bon rythme. Autre chose qui est plus intéressante, puisque bon, bah, la petite point culture musicale, ou plutôt, je sais pas si ça se dit chantonal, bref, en tout cas, quand on chante, vous n'avez pas beaucoup de musique, si vous voulez, où on va avoir ce qu'on appelle la voix de fossé. Alors, comme son nom l'indique, c'est un peu une voix fausse, nasillarde, vous voyez. Alors, à savoir que tout le monde peut chanter le style Bee Gees, hein, c'est pas une technique vocale extraordinaire. Puisqu'il suffit tout simplement d'avoir le pif bloqué. Hein, par exemple, admettons, vous pincez le nez comme ça. Vous parlez comme ça, et puis... En fait, la voix de fossé, c'est quand vous bloquez l'air du nez. Hein, tout simplement, ce qui vous permet de faire croire que vous avez des notes aiguës. Mais c'est faux! Voilà. Alors, deuxième truc assez intéressant, je trouve, quand même, sur Staying Alive, c'est que moi, j'aime bien faire des recherches, hein, comme vous pouvez constater sur les différents titres et groupes. Et bah, apparemment, beaucoup de gens... Alors, ce qui est très drôle, en fait... Enfin, c'est pas drôle. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Comment vous dire ça? C'est que, en fait, quand vous allez sur Google, vous faites une recherche sur Staying Alive des Bee Gees, la première recherche que les gens font, la question est combien des Bee Gees sont restés en vie? Sur la chanson « Rester en vie », c'est la première question qui se pose. Bon, bah, c'est un peu triste, mais chanter « Staying Alive » maintient pas en vie, apparemment, puisque bah, il en reste plus qu'un. Il s'agit de Barry. Donc, c'est le seul qui nous reste, évidemment, aujourd'hui, pour le groupe Bee Gees. Alors, bah, on parlait tout au début, si vous vous souvenez, hein, justement, de Daft Punk, avec, justement, le guitariste de Chic. J'en profite, justement, pour vous faire découvrir ou redécouvrir Chic, Chic, le freak, c'est Chic. Et on en reparle tout de suite après. C'est parti, vous êtes sur iFunk, vous êtes sur Radio Fadjet 94.2 et c'est le moment de prendre le pied du funk, mes amis. Hey, chic. Le freak, c'est chic. Alors, j'ai tellement de choses à dire sur ce groupe. Notamment, déjà, chose importante, c'est que de base, ils étaient censés être un groupe de rock. Prouve qu'à l'époque, eh bien, un groupe noir ne pouvait pas faire de rock. Ça faisait bizarre, selon les producteurs. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à faire du disco. Voilà, parce que, bah, eux, c'était pas leur truc. Mais, voilà, ils se sont retrouvés à faire du disco. Et ça a plutôt bien marché. Alors, pour ce son, le freak, de base, ça devait être fuck off. Donc, un petit peu, on est sur une heure d'écoute. Donc, allez-vous faire, voilà. Donc de base c'était ça le titre, et il se trouve que bah en fait ils ont eu l'idée parce que normalement ils avaient un rendez-vous, donc Neil Rogers, donc celui qui est aussi guitariste pour Daft Punk, le son qu'on a entendu tout au début, et Bernard Edwards, donc le bassiste de fondateur du Chic, il devait aller au studio 54 discuter à faire, hein, voyez, avec Grace Jones. Et en fait, bah le mec à l'entrée, ils ont dit bah c'est pas qui vous êtes, donc vous pouvez pas rentrer. Sauf qu'en fait, ils étaient sous la neige, ils avaient pris leurs meilleurs vêtements, les plus élégants, les plus chers pour vraiment taper à l'œil, pour dire voilà, on est un super groupe, prenez-nous. Et donc du coup, ils ont eu l'idée de faire d'abord la chanson Fuck Off, hein, puisqu'ils étaient trempés, ils étaient refoulés, hein, voilà tout simplement. Et puis bah après, par la suite, ça a été remplacé par Ah Fuck Off, par Ah Freak Out. Et c'est comme ça qu'est venu petit à petit The Freak. Donc le freak, c'est chic. De base, c'est une chanson de frustration. Voilà. Voilà pour la petite info. Alors, du coup, par la suite, j'ai envie de... Allez, on est parti sur du Michael Jackson, encore une fois. Et puis, encore une fois, parce que j'en mets quasiment toutes les semaines. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver, en Dorian, de l'émission iFunk, émission sur le disco... Et le funk, évidemment, samedi, hein, aujourd'hui, tout simplement. Et là, on va découvrir tous ensemble, du Michael Jackson, I Want You Back. C'est parti, et vive le funk, mes amis, vive le funk. Michael Jackson, I want you back. J'adore tellement cette musique-là, elle chantonne. En fait, quoi qu'il arrive, quand t'écoutes ce son-là, il y a toujours du soleil, je sais pas pourquoi. En tous les cas, j'adore ce son-là. Alors, j'avais lu, je crois que c'était hier, un article justement qui parlait de la mère de Michael qui, maintenant, ça fait déjà 10 ans, hein. Le temps passe vite le jour où Michael est parti. Et sa mère qui s'est rendue compte, en tous les cas, selon elle, comme quoi ça venait un peu d'elle si tout ça était arrivé. Hein, si elle aurait fait les choses autrement, peut-être que Michael serait encore de ce jour. Et elle s'est fait la promesse de bien s'occuper de ses petits-enfants. Alors ça, c'est drôle parce que du coup, vous voyez la maman comme ça, africaine, noire-américaine, pareil. Et à côté de ça, vous avez plein d'enfants blancs, tout blancs, comme ça, c'est drôle. C'est plein de préjugés, hein, ce que je suis en train de dire, hein, mais c'est mignon. En tous les cas, ça fait 10 ans qu'elle s'en occupe vraiment comme si c'était ses enfants, un peu pour rattraper les choses. Comme quoi, il faut toujours vivre les choses au maximum. C'est pour ça qu'il faut écouter du funk, mes amis. Alors, du coup, j'ai envie de vous faire écouter... je vais vous faire écouter ça. On va partir au Canada. Rassurez-vous, en fait, vous restez chez vous. Mais en tous les cas, vous allez écouter un son d'une Canadienne qui a plutôt bien marché. Et si vous connaissez pas, France Jolie, non ? Ça vous dit rien ? Gonna Get Over You ? Non, toujours pas ? Et si ça vous dit rien, c'est génial. C'est que vous avez découvert un nouveau son sur iFunk. Et c'est parti. We'll be right back. Ok, donc France Jolie, Gonna Get Over You. Alors, ce son a été fait en... Eh bien, étonnamment, hein, souvent je vous mets des sons, hormis Daft Punk, souvent des sons qui datent des années 60, 70, voire 80. Eh bien, là, il s'agit de 1989. Donc, en 1989, eh bien, des personnes ont pu écouter des nouveaux sons funk. Et puis, bah, c'est toujours un grand plaisir. Alors... On parle de funk, on parle de G-funk, on parle de plusieurs styles de funk. Là, on va être vraiment sur la fin, si vous voulez, du funk. Un son que vous avez certainement déjà entendu. Vous avez entendu au moins dans les anciennes boîtes. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. En tous les cas, à l'époque, ça, vous l'aviez forcément, cette musique-là. Il s'agit de In Deep. Attention, parce que le titre est un peu long. Last night, a DJ saved my life. Et c'est parti. Rappelez-vous, avant d'écouter la musique, que vous êtes où ? Bah, vous êtes sur iFunk. Vous êtes sur Radio Fadjet, évidemment, 94.2. Et vous êtes où ? Bah, vous êtes en plein bonheur, n'est-ce pas ? Allez, je vous laisse kiffer. Et c'est parti pour In Deep. Dernière musique pour en même temps bah, vous dire que c'est déjà fini, 30 minutes, ça va super vite. En tous les cas, ça m'a fait super plaisir encore aujourd'hui de vous avoir eu tous ensemble pour du son funk et disco, des nouvelles découvertes ou redécouvertes évidemment. Et puis, bah, je vous laisse sur cette musique en vous souhaitant un bon week-end, une bonne semaine, un bon tout plein de choses, tout plein de soleil. Et puis, vive le funk. Allez, allez, à la prochaine et je vous laisse la musique pour finir. Didn't get very far, no. You want my mind? Why be so unkind? You've got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. Turned on my radio, I found out all I needed to know.